tape à ma porte, que le diable l'emporte. Un jour sa passion sera morte. Je ne veux plus voir personne, aucune compagnie n'est bonne. Les mots sonnent comme un trombone. Tu fais croire que tu existes, tu visites la vie en touriste. Les océans sont sales, les poissons tristes. Tu achètes de la mort matérialiste. La la la, la la la, la la la, la la la. À quoi te servent ces mille bombes nucléaires? Si une explosion aura plus rien sur Terre, qui voyagera à bord de tes hélicoptères? Qui se baignera dans tes piscines? Qui aspirera ta poudre dans ses narines? Sous une fontaine de cyprine. Tu fais croire que tu existes, tu visites la vie en touriste. Les arbres tombent, les oiseaux sont tristes. Tu achètes de la mort matérialiste. La la la, la la, la la, la la. Survivrons-nous à notre sécheresse? À notre infligeante espèce, serons-nous conscients de notre folie, de ne tenir que du vent sous nos parapluies, d'avoir baisé le mauvais corps, d'avoir engendré de la mort. Que tu existes, tu visites la vie en touriste. Les océans sont sales, les poissons tristes. Tu achètes de la mort matérialiste. La la la, la la la, la la la, la la la.